Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et aux autres, et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millenial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle compère, Adrien. Bonsoir Adrien, comment s'est passée ta dernière mission? Écoute, je suis pas très frais, je me suis couché très tard, et il est tôt pour moi, donc... Donc voilà, je crois qu'on il a est presque une heure de l'après-midi. Voilà, mais je me suis couché à 5h du mat, donc c'est compliqué, mais on reste frais et trop content de te retrouver pour parler de The Acolyte. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 8 et final de la série The Acolyte, écrit par Jason Michaelis et réalisé par Anel Culpepper. Alors, cher compère, qu'as-tu pensé de cet épisode sans spoiler? Et si tu veux faire un petit retour sur la série en général, tu peux, si tu veux. On peut garder ça pour la fin. Ouais, je vais rester sur l'épisode peut-être pour l'instant. L'épisode, il est vachement efficace. Il se passe plein de trucs. On est vraiment servi. Comme d'hab, Lacey Hanlon, elle est vraiment généreuse dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle... dans ce qu'elle met en place. Donc moi forcément j'ai adoré. En plus, y a de la romance, tout ce qu'il faut. Donc voilà, moi je... Quoi ? Voilà, moi j'aime bien. Bon, je dirais pas jusqu'à utiliser ce mot-là, mais. Et les musiques. Il y a quelque chose. Les musiques elles sont vraiment banger. C'est marrant parce que Michael Abels, il tu vois en fait. D'épisode en épisode, ça monte. Et vraiment trop bien de l'avoir eu en compositeur. Voilà. Ouais, il a fait un très bon travail. Ouais. Même s'il a confus énormément de personnes avec le thème principal de la série, qui ressemble énormément à au thème de Kylo Ren, mais... C'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Et c'est trop bizarre parce que les gens l'ont entendu une seule fois. Alors que c'est le thème principal de la série, il est dans tous les épisodes. Ouais, c'est vrai que c'est curieux. Bah, peut-être que ça veut dire quelque chose, on verra s'il y a une saison 2 un jour. Peut-être. J'aimerais bien voir... J'aimerais bien avoir une interview, parce que tout le monde a fait des interviews et tout, c'était trop bien ça. C'était super ouvert, la série, par rapport à ce genre de choses. Et voilà. Voilà. Et toi, du coup, Grushkov, t'as aimé ? Non, c'était de la merde. D'ailleurs, je déconne Star Wars. C'était bien. Et il y a des trucs qui étaient très surprenants dans l'épisode, mais en même temps, voilà. Lacey Hanlon, elle a montré à tout le monde que juste parce que tu peux deviner ce qui va se passer, veut pas dire que ça aura moins d'impact quand ça arrive. Hein? J'ai dit combien de fois que c'était Osha qui allait tuer Sol. Au moins une fois. Ouais, mais malgré ça... Oh, pardon, attends, faudrait que je coupe ça. C'est pas grave, les gens, ils ont vu l'épisode. C'est sans spoilers, normalement. Mais c'est bon, les gens, ils ont vu l'épisode. Mais tu vois, malgré ça, t'as quand même été étonné par plein de trucs. Et ouais. Vrai. Bah ouais. N'est pas parce que elle a décidé de faire des trucs étonnants, c'est juste il y a mon histoire, elle a une cohérence, mais il y a aussi d'autres trucs en plus. Bah oui, complètement. Et c'est comme ça que tu surprends, c'est en faisant plus de choses, pas en partant dans une direction complètement différente de ce qui de ce que t'avais set up. Mais c'est une série extrêmement généreuse quand même. Hein. En termes de lore, en termes de ce qu'elle propose, même narrativement parlant, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ouais. Ah, bref. Bon. Maintenant, si vous voulez pas de spoilers... Too late <right. rire> Ben, c'est trop tard. Allez vous faire voir. Allez, c'est parti. Générique de fin. Vous pouvez quitter l'épisode, évidemment. On va aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans l'épisode. 3, 2, 1... Zone spoiler, badabadabam, bam, badabam, boui. Parfait. Voilà. Toujours un régal pour les oreilles. Hein. Vraiment, je pense que nos auditeurs, ils s'adorent. Attends, je sais même pas si mon micro enregistre la bonne. Ah. Eh, c'est pas grave, hein. J'aurais l'air con, c'est pas grave. Ok, l'épisode reprend avec Osha qui a le casque sur sa tête, qui pète un câble, qui prend accidentellement. Pas vraiment prendre contrôle, mais voilà, qui montre qu'elle a le même pouvoir que sa maman. Ouais. Et Kaimir qui a sa tête envahie, comme telle Torbine, mais qui arrive quand même à lui retirer le casque. Est-ce que tu t'attendais à cette réaction-là de sa part quand elle avait mis le casque sur sa tête? La réaction de la part de Osha? Ouais. Non. Non, j'étais un peu étonné. Mais c'est cool parce que du coup, tu regardes Kaimir, il est terrifié par ce qui vient de se passer, quoi. les deux. Ah, tu sais, c'est vraiment les deux sorciers un peu nazes qui jouent avec des trucs qui les dépassent, tu vois. J'adore au début parce qu'il la regarde un peu satisfait. Ouais. Quand il voit qu'elle a mis le casque, il regrette très très vite quand elle commence à convulser là. Je vais pas commencer à parler de tu sais de comment de bah faire des parallèles par rapport à la sexualité et tout ça, mais cette scène elle est quand même assez vas-y, je m'en fous, j'en parle. Cette scène elle est quand même assez importante de ce point de vue-là parce que ben mine de rien Osha elle met le casque de Kaimir, tu vois, c'est vraiment c'est une intimité incroyable en fait. Et le fait qu'elle le possède, on va dire, juste après, je pense que c'est une scène extrêmement sexuelle. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble quand Adrien fait du sexe, en fait, quelqu'un vient, lui met le casque sur la tête et puis c'est ça. Il commence d'ailleurs, si à vous péter voulez un câble. Mettre votre casque sur ma tête, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Mais non, mais okay. C'est intéressant comme scène parce que c'est vraiment une intimité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Star Wars. On a vu des trucs assez similaires quand même, mais ce truc du gars du côté obscur qui est quand même un peu protecteur et tout, c'est intéressant. Ouais, bah oui, bien sûr, on a déjà vu une intimité entre côté obscur, côté lumineux, on a vu dans l'épisode 8 notamment, mais je sais pas, là t'as ce côté vraiment c'est deux gamins en fait, les deux, tu vois, et ils apprennent des trucs, ils sont en train de jouer avec un truc qui les dépasse, et c'est intéressant. Et voilà. Du coup c'est un dildo le truc qui les dépasse complètement, c'est ça, absolument, c'est absolument. Okay. Ça, non mais bien sûr que non, mais voilà, j'aime bien le les acteurs jouent bien, je trouve, dans cette scène. Voilà, je pense elle a les yeux un peu rouges. Ouais. Mani Jacinto, vraiment, il fait un bruit lorsqu'il se rend compte qu'Osha, est en train de le posséder, enfin, de posséder Kaimir. Et vraiment, c'est trop mignon, quand il essaie d'enlever le casque à Osha, voilà, petit bébou, finalement. Et tout de suite, elle parle d'une vision qu'elle a eue de mec qui tue Sol sans arme. Et ça me fait trop rire parce que je pensais vraiment que c'était un truc métaphorique et tout, mais non, c'était vraiment juste tuer sans arme, quoi. Littéral. Bah, ils sont très terre à terre chez les Sith, hein. Ah ouais. Mais bon, voilà, ils décident qu'ils vont aller la choper eux-mêmes. Ensuite, on revient... on revient chez Sol, du coup, qui a sûrement raconté tout ce qu'il avait à raconter à May. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est vraiment dingo et il pense toujours qu'il avait raison de faire ce qu'il a fait. Ouais. Moi, c'était une des grosses surprises, hein, par contre. Là, je m'attendais pas à ça. Surtout, comme on disait, comme il a l'air d'avoir changé. Et là, c'est là que je trouve que c'est génial. C'est que si tu re-regardes les premiers épisodes maintenant... Pratiquement tous les trucs qui faisaient de lui un super Jedi sont des énormes red flags, en fait. Sa gentillesse, son attachement pour Osha, tout ce qui faisait de lui un Jedi un peu différent, mais aussi qui avait l'air sage. En fait, c'est tout découle de des erreurs qu'il a faites il y a des années. Par exemple, il y a son truc où il passe son temps à essayer de convaincre May, de convaincre Osha de pardonner à May pour ce qui s'est passé et tout. Et ben en fait, quand tu le revois, tu te rends compte qu'il fait ça parce que c'est lui. Qui a déconné. Et du coup, je pense que ce qu'il veut en réalité, c'est que Osha n'ait plus de sentiments négatifs par rapport à ça, peut-être pour qu'il puisse enfin lui dire la vérité, et que c'est pour ça qu'il lui a pas dit la vérité jusque-là, parce qu'elle est toujours énormément en colère contre May, mais il sait très bien que s'il lui dit la vérité, ça sera contre lui, et c'est pour ça qu'il lui a jamais dit la vérité. C'est vraiment un gros bâtard. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Ouais. Mais j'adore. Enfin, c'est trop bien d'avoir des personnes. Et aussi la différence. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il était un meilleur maître pour Jackie, parce que il avait pas d'attachement pour Jackie. Et du coup, il était un meilleur Jedi pour elle. Ouais. Il essayait d'être son maître. Il essayait pas d'être son Daddy. Ouais, non mais t'as raison. Ah, c'est intéressant, voilà. Merci Grushkov pour ces mots. Ok, d'accord, il écoutait pas encore, hein. Mais non, si, j'écoutais vraiment, en plus, si, complètement. Complètement. Pour une fois que j'écoute, c'est bon. C'est parce que je parlais pas assez de sexe, c'est ça? Non, mais c'était trop cool comme... C'est vrai que j'ai pas revu la série maintenant que je sais que Sol est une merde, mais je pense que beaucoup de choses vont changer si je le fais. Ouais. Et là, j'ai vu que les deux premiers. Hein. Il y a d'autres trucs qui se passent après où je pense que tu devrais être genre merde. Oups. Et du coup, pendant qu'il continue de se défendre auprès de May arrive à se défaire de ses liens, électrocute Sol et s'enfuit dans une... dans un petit vaisseau, pas un petit vaisseau, mais dans une navette. Ouais. Et il la poursuit. Ouais, et là, encore une fois, Basil saves the day. Ouais, parce que Sol, il est à deux points de lui tirer dessus. À deux points. Non. À deux alors, doigts attends. De lui tirer dessus. On sait pas s'il va lui tirer dessus. On sait pas si c'est un. Tu sais, un truc qui est armé. Oui, d'accord, mais on sait pas s'il allait tirer. Peut-être que c'était juste un truc pour l'immobiliser ou pour la. Mais après tout, Basil, derrière, il voit qu'il est sur le point de le tirer dessus. Bah, il se dit, attends, mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment ça. Pourquoi il fait ça? C'est censé être un gentil. Et du coup, Basil coupe le truc. mais ouais, c'est ça. Et en fait, vraiment, Basil est un meilleur Jedi que Sol. Ouais, alors qu'il sait que c'est pas la gentille, celle-là. Enfin. Il sait que c'est pas Osha, que c'est vraiment l'autre. Il l'a attaqué. Il lui a mis un coup de pied dans les... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quelques minutes plus tôt. C'est trop bien d'avoir ce perso. Parce que vraiment, en fait, c'est vraiment la gentillesse. Genre, et tu sais, c'est... En fait, c'est marrant parce que je pense qu'on peut faire un parallèle entre Basil et Sol. Dans le sens où Sol, il est gentil, mais mais c'est toujours, toujours à des fins personnelles. C'est toujours... Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Toutes les bonnes choses, en fait, qu'on voyait de lui avant, quand on apprend que c'est... Pourquoi il est comme ça, tu te rends compte que c'est totalement égoïste. Absolument. C'est ça. Ouais. Là où Basile... En tout cas, dans cette séquence, peut-être que je parle trop de Basile et qu'en fait, genre, juste c'est censé être le comic relief rigolo. Un peu, oui. Mais je pense quand même que c'est intéressant parce que, tu vois, pour Basile, genre, non, on ne tue pas une jeune prisonnière, en fait. Tu vois. Même si elle s'enfuit, complètement. T'es un Jedi, tu peux la choper, non? Bah ouais, c'est clair. Et alors après, on sait pas. Moi, je pense vraiment pas qu'il allait le tirer là-dessus, pour le coup. Je pense qu'il allait plutôt de s'immobiliser, un truc comme ça, tu vois. Mais Basile, de derrière, il voit ça, il dit, attends, il l'a déjà stun giga violemment, il y a deux épisodes de ça, c'est bon, peut-être que non, il va vouloir la buter, en fait. Et c'est cool, moi j'aime bien... Mais je pense pas qu'il essaye de la tuer, effectivement, je pense que son but, c'est de casser le vaisseau pour pouvoir la faire se crasher ou un truc comme ça et récupérer, mais c'est dangereux quand même. Hein, surtout vu le champ d'astéroïdes qui traverse, quoi. Ouais, et qui est très joli d'ailleurs. Ouais, c'était super beau comme scène. Une bonne idée. Pour le coup. Donc voilà, Basile, vraiment le meilleur. Là, vraiment, il save the day. Ah, bah, comme d'hab. Et je le dis depuis l'épisode 2 quand je suis coffre. Depuis l'épisode 2. Moi, j'étais un Basile fanzouz depuis le début. Voilà. Basile, il apparaît que dans l'épisode 4, Adrien. Non, l'épisode 2. Non. T'es sûr? Bah oui, parce qu'ils arrivent... c'est au moment où ils constituent la... Ah non, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. L'épisode 4. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Il n'était pas là longtemps, mais il a eu un gros impact, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bref, les Zouzous se crachent sur Brandok et pendant ce temps-là, Mog a laissé un sénateur rentrer dans la salle de contrôle des Jedi et laisse Vernestra aller le discuter avec. Et du coup, c'est là qu'on découvre le fameux sénateur Rayan Court, qui, du coup, est le fameux sénateur qui veut, comment dire, avoir une inspection des Jedi et de tout leur bazar. Et ils ont une petite conversation assez intéressante, surtout par rapport à ce qu'il dit lui, parce que, en vrai, entre nous, Il est antagonistique, mais est-ce qu'il a vraiment tort? Bah, en tout cas, il a raison dans ce qu'il raconte. tout ce qu'il dit là, ouais, il ouais, a raison. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Mais, ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est forcément du bullshit. Surtout par rapport au fait de contrôler les émotions et tout. Et évidemment... Ouais. Dans ce qu'il dit, on peut facilement faire un parallèle avec Anakin, mais rien que dans cette série, hein, évidemment, Saul est un énorme exemple de quelqu'un qui n'a pas été capable de contrôler ses émotions. Pareil pour Torbin, d'ailleurs. Et, ouais. Et ça revient plus tard, mais... Mais sa question, c'est oui, quand ça arrivera, comment... qui sera capable d'arrêter quelqu'un qui... Bah, c'est ça. Comment dire? Qui perd les boulons, ouais. Par rapport... Bah, c'est ce qu'il dit, genre c'est bien, mais genre, un jour, il y aura quelqu'un qui va péter un câble chez vous. Et il dit bien, je dis pas, genre, enfin, c'est pas si... il y a quelqu'un qui pète la gamme, ça va arriver, quoi. Il dit quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Et turns out, tu avais raison, hein. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, 100 ans après, bon. Ce qui se passe dans cette série, Et une des raisons pour laquelle il n'y a pas de failsafe, au final, dans la prélogie. Vu ce qui se passe après, Vernestra qui fait genre... Ben, regardez, c'est Sol, il a fait exactement ce que t'avais dit, regarde, on a réussi à gérer la situation, alors que c'est pas vrai du tout. Ouais, oui, il y a eu plein de morts. Elle ouais. ment complètement, et ils ont rien résolu du tout. C'est pas Sol qui a tué tout le monde. Non, et puis, et surtout, quand même, il y a un autre élément, on n'en a pas encore parlé, mais a priori, Kaimir est l'ancien padawan de Vernestra. De fait... rien que par rapport à ça, tu vois. Elle a fait elle de la merde. Elle a déjà de l'expérience. Que... Ouais, c'est ça. Elle a déjà de l'expérience. Et en plus, là, c'est bien. Tu règles le problème, on va dire, de Sol en disant qu'il est mort et que tout était de sa faute. Mais en attendant, bah, t'as quand même un padawan qui court dans les parages. Et même si elle le sait pas, hein, qu'il a rejoint le côté obscur, bah, c'est quand même le cas. Donc en fait, il a raison, le sénateur. Enfin, je pense que si, elle le sait qu'il a rejoint le côté obscur. Tu penses? Je sais pas. Bah, vu qu'elle essayait... Je pense qu'elle... Elle a compris que c'était Kaimir qui était le fameux maître de... De Mei, dont il parlait tout le temps. Ah, tu penses? Je pense que c'est ce qu'elle s'imagine, oui. Ah, pour moi, elle n'est pas au Parce que c'est pour ça qu'à la fin, elle demande de l'aide à Mei pour essayer de le retrouver. Ouais, ah ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Ouais, ouais, t'as raison. Elle parle du fait qu'il est tombé du côté obscur, d'ailleurs. Ouais. Ah, peut-être. Mais, en tout cas, cette séquence-là, elle est trop bien. Et le fait de voir le sénateur être là en mode, bah, par contre, genre, le jour où ça pète, on fait comment? Parce que c'est pas que les Jedi qui vont prendre sur, c'est toute la galaxie, en fait. Et voilà, bah monsieur... Il y a plein de monde qui pense qu'il est sûrement de mèche avec quelqu'un dont on va parler d'ici peu, mais il a même pas besoin d'être de mèche pour soulever des même questions pas. Qui sont intéressantes ouais. et vraies, tout en ayant l'air tout à fait absolument antagonistique, ça c'est sûr. Mais bien c'est sûr, sûrement oui, pour c'est ça qu'ils ont casté ce gars-là, parce qu'il le fait trop bien, les personnages qui ont l'air raisonnables, mais aussi qui ont l'air absolument pas de confiance. Il a joué dans quoi? Je le connais pas bien, cet acteur. Il a joué dans plein de trucs, mais alors, récemment, il était dans Alan Wake 2. C'était Mr. Door. Et il a aussi ce rôle-là de... Comment dire? Quelqu'un qui est très intelligent et qui est pas forcément gentil, mais est-ce qu'il est vraiment méchant? Possiblement, mais tu sais. Ouais. Et clairement, oui, il est là pour donner cette vibe-là, parce que, et ça c'est un truc qui est compliqué dans la série, c'est que malgré tout, les Jedi sont censés toujours être les good guys, hein, on n'est pas dans un truc où les Jedi sont tous pourris, c'est juste où ils ont fait des erreurs, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Pas pour ouais, l'instant. Ouais, complètement. Ouais. Non, puis ça montre aussi que, voilà, l'Ordre 66, il vient pas de n'importe où non plus, quoi. Ouais, genre, et que c'était facile à exploiter, au final. Et que c'était grave simple, en fait. Elle est pas si intelligente, Palpatine, hein, c'est bon. Moi aussi, je peux le faire. Non. Ouais, voilà, n'importe qui pourrait le faire. Ouais. Moi, les ordres 66, j'en fais tous les matins. Au petit-déj. Voilà. Ensuite, on retourne sur Pac, tout. Avec les deux zigotos qui vont partir pour Brendok. Kaimir qui essaye vite fait, genre, et si jamais, est-ce qu'il y a moyen de moyenner par rapport au côté obscur et tout? Et puis. Osha refuse encore. Et on voit un mec dans une caverne qui fait... Non, attends, il fait pas ça. C'est pas Gollum. Ah, c'est pas Gollum. Et voilà, on voit... est-ce que tu sais ce que c'est, Adrien, comme espèce? C'est un Moon. Ouais, est-ce que tu savais ce que c'est... qui c'était quand tu l'as vu? Ouais, complètement, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Parce que... Je me suis exclamé devant mon écran en criant le nom du personnage, donc... Ouais. Oh, je suis triste. C'était vraiment le gamin, tu sais, genre... Ouais, trop bien, c'est Père Noël! C'était ça, vraiment. devant mon écran. Est-ce que c'est pas ça Star Wars au final? Ah, mais complètement. Être heureux de voir le Père Noël. C'est un roller coaster. Mais tu vois, c'est là où je suis un peu d'accord avec ce que disait. Désolé, ça va être un peu hors sujet. Mais avec ce que disait, je crois que c'était Martin Scorsese. Quand il disait genre que les films Marvel et tout ça, c'est des bons. C'est des bonnes attractions, des bonnes montagnes russes. Bah putain, ouais, frère, t'as raison. Bah, je pense pas qu'il disait ça pour dire que c'était de la merde. C'est ouais. C'est différent. Mais tu sais que les gens qui sont férus de pop culture, ils détestent avoir ne serait-ce qu'une once de critique. Les deux choses qu'ils détestent le plus, c'est les gens qui critiquent ce qu'ils aiment de manière négative et les gens qui essayent de trouver plus de profondeur dans ce qu'ils aiment en même temps. Ouais, mais les gens, ils ont aucune médiatité raciste, c'est assez terrifiant. Enfin, bref. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Cette série a été une grosse preuve, encore une fois. Hein, ouais, oui, complètement. Ouais. Et donc, on voit le site le plus tragique, d'après Palpatine. Attends, le pauvre, il est coincé dans une grotte depuis des années. Attends, on sait même pas ce qu'il fait là, est-ce qu'il était là tout du long et tout. Partagez votre goûter avec lui, wesh. Le mec était là tout du long et il était en train de les regarder quand il faisait l'amour là. j'ai vu, ils ont pas encore fait l'amour canoniquement, mais j'ai vu un, enfin même si symboliquement tu sais ce que j'en pense, mais comment, moi j'ai vu un fan art de quelqu'un qui disait, en gros c'était quelqu'un qui avait dit sur Twitter, ouais imaginez genre en pleine nuit pendant que genre Osha et Kaimir ils font dodo, t'as le vieux con qui va chercher ses briques de lait au frigo, tu sais. Oui. Et du coup, quelqu'un a fait un fan art et j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'est rigolo. C'est trop drôle de se dire, le mec a été là, genre... tu sais... T'imagines qu'Aimir, il lui dit tout ce qu'il va faire avant de le faire, tu sais, genre... Ok, et là, je vais aller me prendre... Me baigner à poil pour essayer de la séduire avec ma zigounette. Oh oui, t'as raison, mon apprenti. Bonne idée. Let's go. Bonne idée. Et tu sais, c'est vraiment... Tu sais, la saison suivante... Au fait, Osha... Je voulais te présenter à mon papy. Il est un peu con, mais il est sympa. Et c'est vrai que, bon, il m'a donné beaucoup de conseils sur comment te séduire. Ouais, j'ai beaucoup de rises. Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu sais, c'est vraiment le papy gênant. Non, mais fais pas attention à mon papy, des fois il dit des trucs racistes, c'est normal. Il perd la boule. On doit tuer tous les Jedi. Crée la vie. Oui, c'est d'accord, papy, c'est bon. Crée la vie. T'inquiète, papy, c'est bon. Défi à la mort. D'accord, ok. D'accord, papy. T'as pris tes pilules ce matin. Oh putain, Plagueis il va être aussi drôle que Palpatine maintenant. Ah j'espère, en tout cas dans mode canon il l'est déjà. Après papy Palpite, papy Plagueis. Papy Plagueis, ah parfait. oublie pas de m'acheter une bonne petite bouteille de médicaments. Comment ça il a besoin de médicaments? Non, c'est comme ça qu'il appelle le whisky. Le mec est juste breton, en fait. Ah, putain. Tu sais, c'est vraiment, genre, le papy qui fait chier et tu sais, le petit-fils. Bon, papy, t'arrêtes de m'emmerder parce que sinon, je te mets en maison de retraite, hein. Non, pas la maison de retraite. Dans ce cas, tu restes dans ta grotte, ok? Mais... Non, d'accord. Excellent. Bon, par contre, c'était pas forcément peut-être le meilleur reveal pour les gens qui savent pas, qui sait, mais bon, tu comprends assez simplement que bon, que c'est un bad guy, quoi, et t'as un bad guy chelou, ouais, qui les regarde. Non, mais mais en plus de ça, c'est tellement rapide qu'en fait, même si t'en as aucune idée, la série passe pas 3 heures sur lui, en mode genre, vous avez vu le personnage, elle te le montre juste dans un coin, genre, de la grotte, et c'est tout, quoi. Donc en vrai, même pour ceux qui connaissent pas la série, bah, à la rigueur, tu peux te dire, oh putain, trop cool, il y a un extraterrestre méchant, encore plus méchant. Tu vois. Ouais. Exactement. Bref. Tout le monde va petit à petit sur Braindock. Sauf Papy, évidemment. Lui, il peut pas. Il est à mobilité réduite aussi. Le pauvre, il le laisse derrière comme ça. Tout seul. Avec, attends, ses, ça fait avec longtemps. Ses oiseaux bites. Mais attends, mais t'as vu sa tronche? Ça fait longtemps qu'il a pas pris de vitamine D. Hein. Le mec est confiné dans son salon à regarder ses news, là. putain. Bref, ouais, tout le monde se retrouve sur Braindock. Il se passe pas énormément de choses à ce moment-là, mais Osha retrouve May dans leur chambre d'enfant. Et May essaie de lui dire la vérité, mais Osha est toujours pas prête, et elle commence à se bagarrer. Et pendant ce temps-là, Kaemir fait la bagarre avec Sol. Grosse bagarre. Je pensais pas qu'on aurait un nouveau duel au sabre en vrai entre Kaemir et Sol. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris. Ouais, et quel duel en plus, hein. Ouais, oh là, il se passe plein de trucs qu'on n'a jamais vu dans des films ou quoi que ce soit, hein. J'adore, c'est trop trop stylé. Quand Kaemir lui jette les sabres et que Sol... C'est son move, hein. Ouais, c'est vrai. Et que Sol charge pour faire une projection de force tout autour de lui, c'est tellement stylé. Et vraiment, je pense que Sol, de la série, c'est le meilleur épéiste. C'était cool, c'était impressionnant, et en vrai ça va pas trop loin, c'est pas en mode Starkiller qui pète un Star Destroyer tout seul, quoique en vrai tout est possible avec la force, donc ça pourrait arriver un jour, mais on n'est pas sur ce niveau là, c'est le rule of cool, mais quand même à petite échelle quand même, mais c'est cool. Ouais, c'est vraiment trop bien. Non, mais même le combat, comment il se termine entre Sol et Kaemir, il est vraiment cool. Enfin, ça, c'est très... très samouraï. Samouraï, hein. Ouais. Le petit stand-off, et puis, hop, un seul coup rapide. Ouais. J'ai eu peur en un instant qu'il avait tué Kaemir, mais non, il lui a juste coupé son gros sabre. Et qu'est-ce qu'il a aussi, Kaemir, avec son gros sabre? Il a un... Je sais pas. Un bébé sabre, non, c'est pas ça que t'as dit tout à l'heure? Ah oui, si, il a un bébé sabre. Oui, il a un bébé sabre, Kaemir. Oui, juste que tu dises ça. Oui, il est joli, son bébé sabre. Il y a tellement son gros sabre, il est cassé, cool. Mais est-ce que son bébé sabre, il est cassé? Bah non, je pense pas, hein. Ils sont cool. Ouais. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment très très bonne chorégraphie. Apparemment, Manny et JJ, comme Manny Jacinto l'appelle, se sont fait mal plusieurs fois en faisant la chorégraphie. Mais, ah merde! Ils étaient à fond, quoi. Ouais, d'accord. Bah, tu vois les vidéos d'entraînement de Manny Jacinto et ouais, il est à fond, quoi, ça se voit. Ouais. Ils ont eu beaucoup de plaisir à faire ça et ouais, c'est vraiment une bonne réussite. Je sais qu'il y avait pas mal de monde qui était pas certain quand on avait dit que ce serait un peu plus kung-fu que les autres. Et au final, dans tous les combats, que ce soit avec ou sans armes, ça marche super bien. Hein. On a une... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du combat entre Mei et Osha, mais il est trop cool. Et la super aussi, transition, hein, aussi. Ouais, ouais, c'est... Ah, franchement, c'est top. Le combat est vraiment bien, hein, pour le coup. Ça, ouais. C'est vachement acrobatique, c'est... Et puis c'est top. Non, franchement, c'était bien. Ouais, c'est... ouais, franchement, grosse réussite. Peut-être même... c'est sûrement... Les combats et tout sont la réussite de la série, qui est juste une pure réussite. Il n'y a rien à redire du tout par rapport à tout ça, je trouve. Même les petits trucs un peu rigolos, genre quand les par exemple les câbles sont trop tu sais trop évidents et tout, ça rentre dans le style, je trouve que ça va bien avec. Mais voilà, tout ça pour dire que Sol arrive à battre Kaimir. Comme on disait juste avant, il lui tranche son gros sabre, son sabre adulte du coup. Son sabre adulte, voilà. Voilà, il coupe son sabre adulte et il coupe pas son bébé ça. En joue. Et Mia, pff, non, ça c'est Mia. Quelqu'un d'autre. Mei arrive et désarme Sol. Ça aussi c'était étonnant, mais en fait c'est parce que elle a. Je me souviens plus si c'était le premier ou le deuxième épisode qui s'appelait Revenge / Justice. Et c'est en fait, on nous montre dans cette scène-là que avec Kaimir en plus qui essaye de lui dire vas-y complète ton voyage du côté obscur et tout, tue-le. Mais elle a fini son arc, elle est au-delà de juste vouloir se venger maintenant. Elle veut vraiment juste que justice soit rendue pour le crime de Sol, quoi. Et c'est pas à elle de le tuer, il doit juste... tout ce qu'elle veut, c'est qu'il dise la vérité. Qu'il admette, enfin, pour de vrai, ouais, ce qu'il a fait. Et du coup, elle jette son sabre au sol. Ouais, elle a cassé le sabre de Sol est cassé, et on voit le Kaiber transperce la coque. Ouais. Et les mots importants pour plus tard. Là, c'est pareil, hein. C'est vraiment tout ce délire de vraiment ça encore plus quand Osha intervient, mais de tuer le père, quoi, en fait. Ouais. Ah bah là, on y arrive vraiment parce que. Ouais. Évidemment, ça y est. Enfin, il dit à haute voix que oui, il a tué la maman et tout. Et qui est-ce qui était derrière lui qui ne savait pas ? C'est Osha. Véronique. C'est Vérocha. Véronique. Ah, oh, c'est oh, Véro. Oh, Véro. Bonne Véro. Sol réagit comme Sol, on va dire. Ouais. Il essaye encore une fois de se justifier et tout. Il balbutie tout ça, avec Osha qui lui demande de se taire une fois. Et il continue. Et juste au moment où il va enfin dire pourquoi il a fait tout ça, la vraie raison, hein, qu'est-ce qu'il s'apprête à dire, Adrien ? Bah, je sais pas, il dit quoi ? Il est sur le point de dire « I love you ». Ah ! Et c'est là que il arrive pas à finir sa phrase, parce que... Bah, parce que Osha l'étrangle. Ouais. Voilà, par la force. Et c'est la première fois qu'elle utilise la force dans la série. Qu'elle le fait bien, en plus. Ouais, c'est ça, elle a... Elle a déjà essayé, mais elle n'y arrivait pas. Voilà, c'est ça. Mais là, elle a... Parce que, comme lui a dit Kaimir, maintenant, il puise dans une autre source pour avoir son pouvoir. Mm. Et on voit ça réfléchit dans un objet qu'elle a dans sa main. Il y a peut-être des gens qui ont jamais vu ça. C'est quelque chose qui est arrivé dans des livres, dans des comics, dans Star Wars Jedi Survivor. Qu'est-ce qui se passe avec son sabre laser, Adrien ? Eh ben, le corrompt et elle fait saigner le Kyber. Ouais, elle fait même pas exprès, d'ailleurs. Ouais. Elle fait pas exprès. Mais, truc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment on obtient un sabre laser rouge dans Star Wars ? C'est en mettant toutes les émotions négatives qu'on a et en allant puiser au fond de tout ce qu'on... notre souffrance, notre colère, notre haine, tout ça. Ouais. Et on le met dans le Kyber et la lame de le Kyber devient rouge et c'est la première fois du coup qu'on le voit en live action. Un petit truc vite fait aussi, c'est que n'importe quel utilisateur de la force peut faire ça, mais il y a une spécificité pour les Sith qui est que tu ne peux pas le faire sur ton propre sabre laser, tu dois tuer un Jedi, récupérer son sabre laser et après corrompre son cristal Kyber. Qui est ce que Osha a fait sans faire exprès, sans le savoir. voilà, c'est juste un détail que j'ai trouvé très fun, parce que on a des gens comme, par exemple, Kylo Ren, qui, lui, l'a fait sur son propre sabre laser, par exemple. Ouais, ça arrive. Et qui, d'ailleurs, a galéré et tout, et ça a pété son cristal en deux et tout, et en gros, c'est l'explication pour expliquer pourquoi sa lame est toute caca, là, celle de Kylo. Mais, par contre, il y a un truc qui est intéressant là, c'est que là, on voit la lame changer au fur et à mesure, ce qui n'est pas quelque chose qu'on avait déjà vu avant, à part dans Star Wars Vision. Je ne sais pas si tu te souviens. Quel épisode ? Ben, c'était quoi, le 9e Jedi, un truc comme ça, où les sabres laser changent de couleur. Ah oui, c'est vrai, ouais. À un moment, mais c'est la première fois qu'on voit ça dans un truc canon, parce que voilà, elle se rendait même pas compte qu'elle faisait ça et elle a saigné, ouais, corrompu le Kyber comme ça, et elle a allumé son sabre pendant la transformation. C'était fun à voir, hein. Un peu choqué par ça d'ailleurs. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à toute cette séquence, Adrien? Non, en vrai, elle est cool, cette séquence. Même si forcément, ça m'a rendu un peu triste de dire au revoir à Lee Jung-jae, parce que c'était un trop bon acteur. Mais il a trop bien fait son taf, et c'est une fin de tournage pour lui. Ouais, c'est une fin de tournage, et d'ailleurs, il termine enfin faisant la... J'ai envie de dire, en faisant le choix émotionnel qui... Et le plus mature, je trouve, qu'il a fait de la série, qui est de laisser Osha le tuer. Il dit it's okay. Et parce que je pense que là, il se rend compte que c'est ce qui est en train de lui arriver. C'est juste les conséquences de ses propres actions, hein. Ouais. Et voilà, du coup, jusqu'au bout, le meilleur acteur de la série. Ouais. Voilà. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. Ensuite, il y a les Jedi qui arrivent. Ouais, et Vernestra qui... Oh, qu'est-ce qui se passe avec Vernestra ? Elle ressent quelque chose. Et ouais. Elle fait... You ! Et c'est là qu'on se rend compte qu'on avait raison. Avec beaucoup d'émotion, elle se rend compte que quelqu'un est toujours en vie. Quand elle ressent Kaimir qui très très vite se met le remet le casque sur sa ouais sur sa gueule ouais. sur sa tête pour éviter d'être ressenti par son ancien maître et il retrouve Basile aussi les Jedi et oui j'adore ouais. la réaction de Mog ouais quand il voit c'est trop bien qu'est-ce qui mais en attends, vrai Mog je l'aime bien mais moi aussi j'aime bien il est rigolo ouais je trouve putain cool, what a relief c'est trop ouais bien. C'est ça j'adore il me tue. Ah, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre Basile et Mog vraiment ouais vraiment moi je veux une série gars. Sur eux je veux une série sur eux deux les aventures de Basile et Mog c'est trop bien Et les sœurs s'enfuient. Enfin, elles ont quelques scènes ensemble où elles essayent pas de se péter la gueule. ouais, parce qu'elles se retrouvent sous l'arbre. Oui, elles vont jusqu'à l'arbre. Pendant ce temps-là, il y a Verne qui arrive près du cadavre de Sol et qui laisse Mog et Basile partir à la poursuite des sœurs, mais il y a Kaimir qui est juste là, qui l'observe et qui s'enfuit à son tour et va rejoindre les petites. Bon, elles sont plus si petites maintenant, mais il les rejoint sous l'arbre chelou où il y avait les insectes chelous. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a plus là. Comment ? On n'en voit plus d'insectes. Oui, bon. Je suis sûr qu'ils sont juste en train de dormir. J'espère. Et d'ailleurs, elle passe par le chemin May avait pris parce que quand elle était tombée, elle s'était faite aspirer dans un tube à la Luke Skywalker. ouais. Décidément. Sur Bespin. Oh, comme quoi. Oh là là, Star Wars. Hein. Et elle décide... Enfin, Osha décide, parce que voilà, il se retrouve à un moment où ils peuvent plus vraiment... Comment dire ? Enfin, bref, May laisse Osha choisir quel sera leur prochain move. Et j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe après, Adrien. Et du coup, Kaimir propose, hein, il me semble, d'effacer la mémoire à May et de du coup embarquer Osha. C'est un move qui est assez curieux quand même, je trouve. C'est étrange qu'ils aient pas décidé de partir ensemble, les sœurs. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'elles se sont dit que si elles font ça, Kaimir va essayer de les tuer, et c'est pour ça que Osha a décidé de rejoindre Kaimir à condition qu'il laisse May partir. Bah en fait c'est ce que dit Kaimir, il prévient Osha, il dit quand ils se rendront compte que t'es puissante comme ça, il va se passer ce qui s'est passé pour ta mère. Donc en fait, ouais, Kaimir lui fait peur et du coup elle se dit qu'elle peut pas rester quoi. Ouais, mais pourquoi May décide pas de laisser May derrière, ouais. Ouais. Truc très très fun dans l'épisode 2, quand ils viennent là dans le chez l'apothicaire où il y a Kaimir les Jedi, un des trucs que Kaimir dit quand il fait semblant d'être surpris et tout, il fait s'il vous plaît m'effacez pas la mémoire ou les trucs que vous faites vous les Jedi et tout, et c'est rigolo parce que ouais. Ah en fait c'est un truc que lui sait faire apparemment. Ouais, complètement a priori. Et pendant que les sœurs se câlinent attends tu dis que c'est un truc qu'il sait faire mais même lui il est pas sûr hein. Parce qu'il dit I can try ou un je truc peux comme essayer. Ça. Il peut essayer, c'est que on l'a vraiment dit. Hein, Kaimir c'est encore un bébou. Hein, il n'est pas encore extrêmement puissant ou quoi. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant. Faut pas oublier quand même que les deux sont prisonnières de Kaimir. Et Kaimir ne se barrerait pas sans l'une des deux. Et ce que dit justement Osha. Osha lui dit laisse partir ma sœur, moi je viens avec toi. Ouais. Donc c'est pour ça que Mei ne vient pas. Un truc qui est rigolo aussi, c'est elle récite encore leur truc là de qu'elle disait quand elles étaient petites. Oui. Et elles se disent attends mais qui est-ce qui nous a appris ça, et ça c'est... Oh attends okay. Un nouveau mystère d'un seul coup comme ça là. C'était vraiment un truc étrange à rajouter juste là. Effectivement, qui est-ce qui leur a appris si c'est pas leur mère? Ouais. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est papy qui leur a appris? Mais peut-être qu'elle voulait. Non, mais peut-être qu'elle voulait juste dire, tu sais, que elles sont. Comment? Qu'elles sont. De si longtemps qu'elle se souvient, elle se rappelle de cette chanson, tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Ça veut peut-être pas forcément dire que quelqu'un l'aura appris. Ouais. Mais voilà. Les Jedi récupèrent Mei, qui ne sait pas ce qui se passe. Et Vernestra fait un choix. Vernestra fait un choix, oui. Alors du coup, là, il se passe plein de trucs. On en a parlé vite fait. Vernestra qui traite Mei un peu humainement quand même, pas mal. Ouais. Mais à la fin, qui lui demande quand même hey, tu vas m'aider à trouver mon ancien Padawan. Bon, encore une fois, elle a pas le... elle est privée de choix hein, par un Jedi. Ouais, c'est vrai, putain. Ça, ah, c'est horrible. C'est vraiment le truc. Hein. Même ouais. Quand il traite les gens... correctement et tout comme des êtres humains, bah elle la prive quand même du choix de partir dans la galaxie et faire ce qu'elle veut. Et même avec une mémoire effacée en plus quoi. Après on peut se dire oui bon techniquement mais c'est une meurtrière, elle devrait être en prison donc on peut justifier ça comme ça, mais quand même. Mais elle devrait être en prison, en l'occurrence, pas vraiment, parce que Vernestra, elle a fait le choix quand même de innocenter. Mais, finalement. Ouais, ouais, vu que. Donc elle voilà, a elle... aucune raison d'aller en prison autre que morale, quoi. Ouais, elle met tout sur le dos de. De Sol. De Sol. Ouais. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ce qui est un souci, parce que du coup, ça va baisser la vigilance générale par rapport à des potentiels Jedi qui pètent un câble, et on sait comment ça finit plus tard. Ah, c'est trop bien. Vraiment, cette fin de saison, elle est tellement satisfaisante. Je sais pas si ça fait sens, mais tu sais, genre... Si, c'est bien. C'est Vernestra qui fait son coup fourré là en remettant tout sur le dos de Saul et en refusant supervision de l'ordre. Je trouve ça trop intéressant et ça veut dire beaucoup voilà. Est-ce que c'est le chancelier qu'on voit à la toute fin en face d'elle? Ouais, le ceux qui sont des espèces de singes chelous là. Ouais. Ouais ouais. Je pense, ouais. Ouais. Un truc qui est intéressant aussi qu'elle dit, Vernestra, qui est que Sol, il a justifié chacun de ses actes égoïstes par l'amour qu'il portait pour Osha. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, mais avec son propre amour pour les Jedi. Ouais, ouais, c'est vrai, putain, ouais. Elle est en train de faire les mêmes erreurs que Sol, juste d'une manière différente. Pour une raison qui a l'air différente parce que moins égoïste, mais est-ce que c'est pas tout aussi égoïste au final par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur la galaxie? Je dirais pas que c'est égoïste, je dirais que c'est pas honnête, plutôt. Je dirais pas que ça n'a... que non, ça non, a échoué, non, mais que ça n'a pas marché. Dans le sens où elle le fait pas pour les intérêts, on va dire, directs, les intérêts immédiats de quelqu'un ou d'une entité. Là, bah elle si, le fait ceux pour. Des Jedi. Ouais, mais disons qu'elle le fait pas pour gagner quelque chose. Elle le fait pour ne pas perdre quelque chose. Ouais, mais le. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pareil. Que peu importe, enfin que au final, le... ce qu'elle fait est quand même très très similaire en soi. Ouais, même ouais, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça vient pas du tout de la même, du même endroit. C'est moins égoïste, c'est. Mais ça reste une erreur, je pense. Après, peut-être bien que c'est parce que la série veut nous faire croire. Nous, veut ah non, nous non, faire non. En tout cas, mais... Non, non, c'est une erreur, c'est sûr et certain. C'est une erreur et en même temps, genre. Et c'est là où c'est intéressant. Si toi, t'étais dans la position de Vernestra. Est-ce que vraiment t'aurais fait différemment ? C'est, bah c'est... Non, c'est ça qui est bien. C'est intéressant. Un peu le... ouais. Je trouve que, encore une fois, c'est une... La prélogie a plein de défauts, mais voilà, cette série-là, elle fait partie de toutes ces œuvres qui la rendent un peu plus intéressante au final. Ah et, ouais, qui, complètement. Qui rendent ouais. certains défauts beaucoup plus acceptables maintenant. Ah ouais. Ah non, mais moi, je peux te dire que j'ai jamais autant aimé la prélogie que depuis que Star Wars 8 et The Acolyte sont sortis. Ouais, et encore, il y a aussi plein de livres, là, cette semaine. J'étais dans un mood Star Wars, alors j'ai lu Rise of the Red Blade, et on est dans, totalement dans la continuité, mais on, c'est là qu'on se rend compte que, ouais, les Jedi, à ce moment-là, malgré tout, Vernestra, ça reste un bon Jedi. Ouais, c'est vrai. Alors que les Jedi de la prélogie, ils sont complètement paumés. Ils font n'importe ouais. quoi. Mais même dans comment ? Dans The Clone Wars, on le voit aussi, ça, quand même. Absolument, ça fait partie de ça. Ouais. ouais. Même aussi, tu sais, dans Jedi Fallen Order, où en fait, enfin... genre ils ont pas insisté là-dessus mais en fait Cal c'est un enfant quand il fait la guerre au début. Donc, ouais, ils en parlent vite fait dans Survivor aussi. Très peu ouais avec le ouais mais pas assez, tu vois. Et en fait tu te rends compte que ouais genre c'est quoi cet ordre religieux zinzin qui envoie des gosses à la guerre quoi. Mais exactement. Ouais, ils sont ordre religieux zinzin qui envoie des gosses à la guerre. Je pense que c'est bien. C'est exactement ça. Deux dernières petites scènes avec les deux zigotos qui sont de retour sur Pa'aktu qui se donnent la main devant le soleil couchant. Un beau parallèle à Luke. Non, j'ai vu personne en parler, mais c'est quand même une grosse image Star Wars, quelqu'un qui regarde l'horizon pendant le coucher de soleil. It rhymes. Ah ouais. Non ouais, mais ça, en vrai, ça rime à deux et bon, c'est faudra faire Star gaffe Wars. Qu'il y a pas papy qui regarde pendant qu'ils font des trucs quoi. Bon, je dois avouer quand même que malgré tout. Personnellement, pour l'instant, je trouve que ça vient un peu de nulle part. Enfin, c'est pas que ça vient de nulle part. Il était dans la séduction très très très vite, Kaimir. Mais j'ai jamais ressenti aucune de ces vibes-là du côté de Osha, par contre. Juste, elle a regardé son zizi plusieurs fois, mais... Ouais. Mais même là, hein, c'est lui qui vient vers elle, c'est pas elle qui vient ouais, vers elle. Ouais, ouais. Donc du ça, coup, ça c'est elle, la Dom. Ça, c'était indéniable, déjà, de base. Voilà, c'est ça. Ça, c'était acté, déjà. Ouais. Et, à la surprise générale de Grushkov, on a une dernière très très très très courte scène que j'aimerais bien que tu me décrives. Oui, parce que on a Vernestra qui, sur Coruscant, ouvre une porte et elle dit « Je suis désolé de vous déranger, maître. Nous avons besoin de parler. » Et on a en premier plan le dos et la tête de Yoda. moi, en vrai, je m'y attendais plus. Bah ouais, moi je m'y attends. En plus, c'est Yoda Puppet, hein. Et je pense que c'est le même que dans l'épisode 8. Oui, je pense, Et donc oui, j'avais tort. Yoda est bien, était bien dans la série. Il n'avait pas piscine finalement. Bah, il avait piscine les trois quarts de la série. D'ailleurs, plus tôt dans l'épisode, on n'en a pas parlé, mais elle essaye de contacter un maître et du coup, à la fin, on se rend compte que c'était sûrement Yoda. Donc il avait piscine. Piscine, j'avais. et c'est la fin de The Acolyte, Adrien. Ah là là là là. Profitez-en, la série sera retirée de Disney Plus dans 2-3 semaines. C'est faux, hein, mais on n'est jamais sûr. C'est faux, mais. Non, mais moi je vis maintenant dans la peur, Grushkov, depuis Willow. Sache-le. Aïe. Bon, est-ce que tu veux qu'on fasse un retour sur toute la série maintenant ou pas? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Non, attends, tu sais quoi, on va faire comme d'habitude. On fera ça dans un autre épisode. Je vous propose, pour conclure, qu'on parle de deux choses dans cet épisode qui nous ont marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit. Quelles sont les deux choses que tu retiens de ce visionnage? En vrai, j'ai vraiment aimé beaucoup de trucs. Mais je vais commencer juste par un truc simple, hein, tout con, mais le duel entre Sol et Kaimir, que je trouve vraiment trop bien. Et surtout la fin là où vraiment Sol tranche le sabre de Kaimir et où tu sais, c'est fait vraiment comme dans les films de samouraï. Et j'aurais limite aimé que ça dure plus longtemps cette scène. Tu sais, ce plan où vraiment tu sais, les deux ne bougent pas. L'un dos à l'autre, enfin les deux ils sont dos l'un à l'autre et puis genre tu sais qu'on prenne plus de temps tu vois pour avant de montrer que voilà Kaimir a perdu, mais c'était trop cool et j'ai bien aimé. Maintenant un autre truc que j'ai beaucoup aimé, en vrai j'aime bien la filouterie de Vernestra à la fin, ça m'a vraiment procuré tu sais une satisfaction genre en mode genre ah ouais, trop cool, ça peut être ça aussi Star Wars, quoi. Les manigances politiques et tout ça, quoi. Et on l'avait jamais vraiment vu de ce point de vue-là. Donc je trouvais ça cool. Ouais, ce que j'adore avec les trucs genre The Acolyte et Andor et tout, c'est que ils sont vraiment là en train de te montrer aux gens qui étaient en mode « Oh, la prélogie, c'est nul parce qu'il y a de la politique et nous... » Non, c'était juste très chiant. Mais la politique dans Star Wars, ça peut être très très fun aussi. Il suffit de savoir le faire correctement. Ouais, complètement, ouais. Et en même temps, c'était très chiant. Ouais. Moi, je pense vraiment que si on regardait maintenant, après avoir vu Andor, The Acolyte et tout ça, je pense vraiment que la prélogie est mieux que ça encore, quoi. Pas mieux que ça, mais je veux dire, je pense que grâce à ces séries-là, la prélogie est encore mieux, en fait. Ça ne change pas trop la présentation, ceci dit. Oui, ça a toujours été intéressant si tu réfléchis et tout, si tu rentres dedans, mais c'est juste la présentation qui était jamais vraiment folichon. Et toi, Grushkov, du coup, qu'est-ce que t'as aimé dans cet épisode? Tu sais quoi, je vais dire deux trucs qui sont du coup parce que j'allais dire plus ou moins les mêmes choses que toi, mais je vais dire Papy, surtout là tu m'as beaucoup fait rigoler avec Papy Papy Plaguy. Du coup voilà, c'était tellement inattendu, je m'y attendais pas. C'est la définition. C'est la définition d'un truc inattendu, d'ailleurs. Hein. et c'était fun à voir, et j'espère qu'ils feront des trucs avec ça. Ce serait trop drôle qu'il n'y ait pas de follow-up. Et ouais, cette possible backstory de Vernestra et Kaimir aussi. Je trouvais ça très intéressant. Ouais. Ouh. J'ai hâte d'avoir le livre sur eux. Ouais, ouais, c'est vrai. Et un détail que tu as pointé, que j'avais pas vu, c'est aussi le nom du vaisseau de Vernestra. Oui, le Cantaros. Ouais, qui est du coup, après son, le tout premier Padawan que Vernestra a eu, Imri. Voilà, je le savais pas. Et puis, tu m'as montré ça et c'est parfait. Ouais, c'est une information qui nous vient de la databank. Donc, ouais. C'est officiel. Et canon. Voilà. Voilà. C'est la fin des compères. C'est tout pour cette semaine et c'est What tout a pour ride. The Acolyte. On remercie une dernière fois pour les compères chaleureusement Clara, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous.